Cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Sous cap, énigmatique ou à pleines dents, une histoire de sourire. En 1814 paraît un traité médico-philosophique sur le rire. Oui, il est signé Denis Prudent Roy qui s'interroge. Devons-nous sérieusement admettre une différence réelle entre le sourire et le sourit ? Et dire que le sourire est proprement un acte, l'effet particulier de sourire ou du sourire, tandis que le sourire est l'action spécifique du sourire. Il dit très vite, cette distinction, je l'avoue, me paraît un peu trop subtile pour ne pas dire purement imaginaire. Ce qui est sûr pour lui en revanche, c'est que la peinture fixe le sourire en développant avec aise ses formes gracieuses et les effets qu'il provoque sur toute la figure. Quelle est la place dans nos musées et dans l'histoire de l'art du fabuleux sourire ? Sourire dans le cours de l'histoire. Alexia Gugemos, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Gugemos. Vous me corrigez, c'est très bien. Dites-moi, depuis quand sourit-on dans l'art ? Alors, premier sourire, troisième millénaire. On peut l'identifier à travers une sculpture qui est précisément conservée au musée du Louvre. Mais le sourire reste très rare dans l'histoire de l'art. Le sourire est rare dans l'histoire de l'art. Et vu que vous évoquez le musée du Louvre, nous avons aujourd'hui dans le cours de l'histoire Sébastien Allard. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le département des peintures au musée du Louvre. Quand nous nous baladons au milieu de ces œuvres fabuleuses, voyons-nous beaucoup de sourires ? Alors on en voit, c'est pas le sentiment premier qu'on a quand on se promène dans les galeries de peinture ancienne, peut-être aussi parce qu'on n'y prête pas suffisamment attention. Oui, c'est ça, c'est toujours l'œil, il faut travailler l'œil, essayer de le repérer. Alexia Gugemos, vous êtes critique d'art, historienne d'art, et vous avez alors fondé ce musée du sourire. Quel est-il ? Expliquez-nous. Musée du sourire, donc créé en 96, et qui répertorie les sourires dans l'art, et plus précisément dans l'art contemporain. Il a beaucoup évolué depuis 25 ans, jusqu'à présenter une collection de sourires d'art contemporain, des œuvres que j'ai acquises au fil des années. C'est un musée virtuel. Un musée virtuel. Premier musée virtuel parce qu'il était pensé précisément pour ne pas être entre quatre murs, compte tenu du sujet qui exprime l'éphémère, l'inattendu, la virtualité. Et donc, il ne pouvait être que sur Internet. D'ailleurs, la question se pose, qu'est-ce que le sourire ? Oh, le sourire, c'est une expression du visage, c'est un stimuli, c'est-à-dire que quand on fait une étude du cerveau, on peut se rendre compte que l'expression du sourire suscite une émotion, mais dans un premier temps et avant la reconnaissance faciale. Donc c'est ce stimuli qui suscite la joie qui est notre sujet précisément aujourd'hui. Et donc on a trois types de sourires, le sourire de la joie qui est caractéristique des enfants. On peut dire que les enfants sourient 400 fois plus qu'un adulte, hein, selon une étude. On a le sourire d'affiliation, le sourire social, qu'on peut très bien comprendre. Et selon le sociologue David Le Breton, eh bien selon les pays, l'approche est différente. Par exemple, aux États-Unis, ça veut dire « ok, si tu souris, c'est qu'on peut discuter ». En revanche, au Japon, quand on sourit, on peut annoncer la mort de quelqu'un avec le sourire, justement pour alléger la peine. Enfin, il y a toutes des codes selon différentes civilisations. Et puis, troisième sourire, on a le sourire de domination, le sourire carnassier, le sourire sarcastique qui rejoint un peu le rire. Et puis, disons-le, hein, le sourire est très difficile à rendre réel si l'on n'y croit pas. Un faux sourire, ça se voit tout de suite. Et justement, une vraie variation du sourire selon là où l'on se place, et c'est vrai qu'en parlant d'histoire de l'art, souvent nous faisons une histoire très centrée sur l'Occident, sur l'Europe. Sébastien Allard, l'histoire du sourire dans le temps, la représentation du sourire, elle aussi varie selon les moments. La signification du sourire n'est jamais la même. Oui, c'est ce que soulignait d'ailleurs Alexia. Je pense que la caractéristique principale du sourire, c'est son ambiguïté, puisque le sourire peut être aussi bien l'expression de l'innocence que de la perversité, d'une proximité ou au contraire d'une distance, l'expression d'un mouvement de l'âme ou au contraire pure convention. Et d'autre part, le sourire est vraiment quelque chose qui est une expression socio-historique aussi. Donc socio-historique de la personne qui émet le sourire et dans la représentation de celui qui le reçoit, donc qui n'est pas nécessairement contemporain du moment où le sourire a été fixé sur la toile. Et d'un point de vue esthétique, ce qu'il faut dire, c'est que le sourire est aussi permet de maintenir la forme. Vous évoquiez au début la différence entre le rire et le sourire. Le rire, ça va être l'expression d'une passion parfois transgressive. Le sourire, c'est canaliser. Et d'un point de vue esthétique, c'est aussi canaliser la forme. Le sourire ne déforme pas le visage. C'est la raison pour laquelle, dans les portraits, avant le 19e et le 20e siècle, le sourire a été préféré au rire. Oui, parce que le rire, effectivement, déforme l'ensemble du visage. Le visage n'est plus reconnaissable et surtout, mais ça monte une perte de maîtrise de son corps. C'est ça aussi le sourire, Alexia Gugemos, c'est jouer sur la maîtrise du corps. On maîtrise son sourire. Alors la difficulté de représenter le sourire dans l'art, dans la sculpture ou dans la peinture, c'est qu'on vient figer quelque chose qui est éminemment en mouvement. Puisqu'on est dans le mouvement des lèvres vers le haut. Donc comment la représenter ? C'est pour ça que le sourire est aussi rare dans l'histoire de l'art, c'est que c'est très difficile. Et d'où la virtuosité de Léonard de Vinci, qui lui a observé la nature, qui est un ingénieur, et qui intègre ce mouvement dans toutes ses représentations, même celle d'un arbre. Donc, on peut revenir sur cette notion de mouvement, mais effectivement, on peut l'exprimer sous la forme d'un geste, comme Franz Hals, par exemple, à travers la rondeur, comme justement le portrait débile à Marie, ou je pense à ce sourire archaïque en Grèce antique au VIe siècle avant Jésus-Christ, cette série de sourires archaïques des Kouros et des Corées, qui est caractérisée par la rondeur des yeux, par exemple. On est dans la douceur. On est dans la douceur, on est dans la sculpture aussi, hein, parce que quand vous parlez de cette statuette qui est sublime, cette sculpture mésopotamienne, Ebi Hill, qui est toute blanche comme ça, avec ses yeux sensationnels, et puis ces sculptures antiques et grecques, nous avons du sourire dans la pierre, mais nous en trouvons aussi chez nous, j'ai envie de dire de manière plus récente, au XIIIe siècle. Jean Patard, je crois qu'il est inutile de vous présenter aux téléspectateurs champenois. D'une part, vous êtes né en Champagne, à Reims très exactement. Et oui. D'autre part, c'est à Reims que vous avez fait vos débuts dans la chanson. Mais depuis quelque temps, j'ai bifurqué un petit peu, en effet. Je fais de la publicité, je fais des jeux dans une chaîne de grands magasins que je ne nommerai pas, bien sûr, tout le long de l'année. Et j'ai appris que dernièrement, vous aviez composé une chanson sur une des figures les plus illustres de notre cathédrale. En effet, j'ai fait les paroles de cette chanson « L'ange au sourire » pour glorifier notre ange que l'on adore, bien sûr, à Reims et dans le monde entier. Sur une musique de Jean Moutet, L'Ange au sourire. Alors Jean Patard, nous vous écoutons dans L'Ange au sourire. Avec plaisir. Tu es l'ange au sourire enfantin, qui vous donnerait des matins remplis de joie de vie. Que la foi nous délivre en donnant à nos cœurs un peu de ton sourire, un peu de ton bonheur. Ah, Jean Patard, nous n'écoutons jamais assez Jean Patard, qui en 1966 à Reims chante l'ange au sourire, une statue très connue hein, sur cette façade. Dites-nous Sébastien Allard, le fait que l'on connaisse si bien l'ange au sourire de Reims signifie aussi que peu d'autres statues sourient. Alors, effectivement, peu d'autres statues souris. On est là autour de Reims dans un monument où il y a quand même beaucoup de sourires. Mais sur l'ange au sourire, pour revenir à la question aussi de la réception du sourire, c'est assez intéressant parce que l'ange au sourire là évoque évidemment la béatitude céleste qu'on trouve très souvent associée aux anges. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le sourire de l'ange tel qu'on le voit aujourd'hui, ce visage de l'ange, en fait, a été reconstitué. Et s'il est aussi célèbre, probablement pour nous aujourd'hui, c'est qu'il exprime aussi quelque chose lié au XXe siècle, qui est en partie la destruction de la cathédrale de Reims, où le visage de l'ange, donc le sourire, a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et cette célébrité du sourire tient probablement aussi, a peut-être aussi une connotation au XXe siècle, qui est finalement le maintien de cette culture française contre, ça a été un instrument de propagande, contre la destruction de la cathédrale par les Allemands. Donc on voit comment le sourire est toujours aussi tributaire du contexte dans lequel il est reçu. Alexia Guglielmos, ce sourire que vous recherchez partout à travers le musée du sourire, il se retrouve comme ça par trace. En fait, il n'y a pas une école artistique du sourire. Non, effectivement, c'est très caractéristique d'un talent, d'une personnalité qui ose le sourire, parce que on peut parler de subversivité, mais c'est engageant, c'est politique. Par exemple, cet ange au sourire de la cathédrale de Reims, elle vient après 11 siècles d'absence de sourire, de boycott de la religion catholique. Pourquoi ? Parce que le sourire a longtemps été présenté par Saint Bazin, par Erasme, etc., comme source de plaisir, donc de péché. Donc, le sourire de l'ange. Alors, première apparition vraiment de l'ange, d'un ange souriant, c'est plus tardif, c'est Van Eyck. Donc, c'est très précurseur. On peut en voir quelques autres aussi de ces représentations du sourire qui, sans doute, ont été augmentées, accentuées lors de la Restauration. Mais ça apparaît, c'est une apparition, en fait. Et quand on voit, quand on se positionne devant la cathédrale, c'est sur la gauche, le sourire est de biais, il y a une sorte de connivence, et quand on est sensible et attiré par ces expressions de complicité, elle vous transperce le cœur, elle crée comme un message qui est perçu. Alors ça me fait penser à André Malraux, qui dans Les Voix du silence disait que c'était ce sourire, à propos de l'ange au sourire, qui s'adresse à celui qui le regarde. Et ce que j'aime, moi, particulièrement dans le sourire dans l'art, que je cherche depuis 25 ans, que je scrute, c'est cet écho, en fait, que cette résonance qu'un sourire à travers les âges peut résonner chez quelqu'un comme nous. Sébastien Allard, vous nous avez bien dit que c'est politique, ce sourire, et dans le cadre de la religion, c'est politique aussi, le sourire divin a un sens. Ça peut être politique, là. En l'occurrence, ça l'est d'une certaine manière devenu dans le cadre d'une propagande, mais qu'à l'origine, c'est l'expression de la grâce. Donc, il y a ce rapport qu'on évoquait aussi qui est particulier au corps, c'est-à-dire que la grâce va évoquer, disons, quelque chose de l'ordre de la transfiguration. Le rire, au contraire, va mettre l'accent sur la corporéité. Si on songe à un autre, pour rester dans la période médiévale, si on songe à une autre expression du sourire, on a dans la cathédrale de Bamberg, d'un côté, les élus qui montent avec le sourire de la béatitude, et de l'autre, les damnés qui tombent avec une espèce de rire, de rictus, qui au contraire va mettre en avant leur corps. Et si on veut tracer un fil qui va encore plus loin, si on songe au sourire de l'ange, on songe évidemment à Bernin et à la transverbération de Sainte Thérèse, où Sainte Thérèse, elle, ne sourit pas, elle a la bouche ouverte, on voit ses dents dans la catégorie de l'extase, mais l'ange qui apporte la grâce, qui est la grâce, lui, sourit. Vous avez prononcé le mot terrible, hein, qui est celui de dents. À quel moment les dents apparaissent dans le sourire ? Est-ce que cela, vous notamment, Alexia Guglielmos, vous avez pu le retrouver en cherchant tous vos sourires ? Alors en effet, Louis XIV, quand il avait 40 ans, n'avait déjà plus de dents. Cet apport de la... Ce soin apporté aux dents est très récent, puisqu'il date finalement du XVIIIe siècle. Les représentations de personnages souriants, dents, bouche ouverte avec les dents, s'appliquent aux jeunes hommes. Et puis finalement, c'est Élisabeth Vigée-Lebrun qui, par ses autoportraits, par le portrait de Marie-Antoinette, ose ose montrer ses dents qui sont des éclats de joie. Donc elle à la fois dans sa façon de peindre et de représenter et de d'exprimer une forme de liberté. Donc c'est vraiment un tournant. C'est un tournant. Nous parlions du Bernin contemporain de Louis XIV, donc Louis XIV avec une dentition désastreuse. Mais le Bernin ose les dents avec Sainte Thérèse. Quel est le message, quelle est la signification, peut-être même au-delà de l'audace artistique? Oui, la question des dents, effectivement, le XVIIIe siècle et Madame Vigée-Lebrun va être un tournant. Cette question apparemment banale des dents met aussi en exergue ces deux choses. D'une part, qu'il y a quand même, à certains moments, le sourire est genré, si je puis dire. C'est-à-dire que les femmes, effectivement, ne montrent pas leurs dents, les cachent derrière un éventail quand elles rient, quand elles sourient. Et dans les portraits, avant Madame Vigée-Lebrun, en gros, on ne montre pas ses dents. En revanche, au XIXe siècle, on va voir chez Renoir, on va voir ensuite au XXe siècle chez Van Dongen, etc. Les dents vont devenir assez habituelles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport à c'est aussi une expression sociale, puisque on voit que dans des sourires, lorsqu'on voit les dents, c'est bien souvent des personnages du peuple. Alors si on va au musée du Louvre, on verra que de Ribera, on a le pied beau qui est un enfant qui a une sorte de pied beau. Enfin, je crois que c'est pas tout à fait un pied beau, mais enfin qui a une maladie du peuple et qui sourit extrêmement largement. Et là, il ne rit pas. Donc ça, c'est aussi une expression populaire, le rire. Mais il sourit fier de sa pose et il pose très très fier. Et le peintre, d'une certaine manière, avec ce sourire, avec ses dents qui sont en mauvais état, redonne à cet enfant du peuple sa dignité. Et si là aussi on veut tirer un fil jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a un artiste qui a donné toute cette gamme des sourires et qui a redonné une vraie dignité au sourire du peuple, c'est Pasolini. Avec que ce soit le sourire extatique de Joseph dans l'Évangile selon saint Matthieu ou la dignité du sourire du peuple dans les Ragazzi di Vita. Voilà. Donc là, on a des fils qui traversent les siècles. Et une lecture différente justement de ces sourires à pleines dents où l'on voit les dents. Parce que pour bien comprendre, le sourire avec les dents, au XVIe siècle, encore au XVIIe siècle, peut être mal perçu. Quelqu'un du peuple, mais là, il n'y a pas de jugement. En revanche, mal perçu quand il s'agit plutôt d'une prostituée. Une femme qui rit à pleines dents est plutôt une prostituée. Oui, tout à fait. Les femmes souriant, transgressent, enfin, interdit. Donc, ça ne peut être qu'une prostituée telle que c'est représenté. C'est Franz Hals, en montrant la bohémienne, en choisissant des sujets très populaires, qui osent justement faire des représentations justement de personnes du peuple qui ne sont pas des fous ou des prostituées. Dites-nous, oui, Sébastien Allard, sur ce sourire à pleines dents. Oui, la bohémienne est en réalité probablement une courtisane. Le titre bohémienne est un titre postérieur. Et vous évoquiez la question du fou. Ce qu'on voit aussi chez Velázquez, c'est aussi il y a une association parfois du sourire et du ce qu'on appellerait aujourd'hui du handicap. Donc on a un certain nombre de bouffons chez Velázquez qui sourit et qui là aussi il y a cette question de dignité de la personne et de redonner finalement cette dignité à un sourire que on ne comprend pas, dont on ne comprend pas exactement le sourire du bouffon, dont on pas le rire, hein, le sourire du bouffon lié au handicap, on ne comprend pas, simplement on a l'expression de quelque chose de positif. Et ça, c'est un élément assez important qu'on retrouve ensuite évidemment dans le cinéma. Qu'on retrouve évidemment dans le cinéma avec des sourires. Juste le fait de les évoquer à la radio provoque en tête des images. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold, as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. To me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Marilyn Monroe, qui considérait que les diamants étaient ses meilleurs amis, et elle qui avait un sourire avec des dents alignées comme un collier de perles dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Clara Galivelle. Nous nous intéressons au sourire et au moment d'évoquer le sourire, le cinéma est un moment passionnant du sourire parce que, comme vous nous l'avez dit, Alexia Guggemos, le sourire est émouvant. Et dès lors, le cinéma permet de nous créer un imaginaire du sourire, des images que l'on veut reproduire. Alors, vous avez très joliment fait passer cette chanson avec Marilyn Monroe. Ça me fait penser à cette œuvre majeure d'Andy Warhol, évidemment, donc 1967, qui représente Marilyn Monroe. Bon, lui, il est dans la dénonciation de la société de consommation, donc dans le multiple. Donc, on a le visage de Marilyn Monroe qui se pare de toutes les couleurs, qui est magnifié, mais en réalité, il était assez triste, Andy Warhol, parce que c'était une œuvre pour lui très très sérieuse. Marilyn Monroe venait de se suicider et c'était un hommage qu'il lui rendait. Et le sourire à pleines dents, parce que c'est ça qui est passionnant, est permis. Alors, nous évoquons le cinéma. Le cinéma fait que le sourire devient incontournable. Le sourire du XXe siècle devient une norme. Sébastien Allard, à partir de quel moment le sourire s'impose? Vous nous avez parlé du XIXe siècle, de Renoir. Donc, nous sommes à la fin du XIXe siècle. Nous sommes dans cet univers impressionniste, proche des intérêts du peuple aussi, de la vie, du quotidien. C'est là où le sourire s'impose comme quelque chose de normal, d'acceptable. Alors, le sourire s'impose antérieurement, hein, je veux dire, dans le portrait, disons, ce qu'on a appelé le portrait de condition, c'est-à-dire déjà au XVIIIe siècle, les femmes sourient parce que le sourire va être une manière de voiler, effectivement, c'est l'expression des passions, tout en donnant un caractère, disons, agréable au visage. Évidemment, la photographie va jouer un rôle important au moment où on va avoir un instantané photographique, puisque ça va permettre d'éviter des longues séances de pause, comme l'évoquait Alexia tout à l'heure, qui peuvent rendre le sourire tout à fait artificiel. Et ensuite, quand va se diffuser, disons, la photo de famille, donc dans un univers, disons, plus familial, où on est plus détendu, le sourire say cheese, si je puis dire, va se répandre et va aussi contaminer, d'une certaine manière, des portraits plus officiels ou plus de représentations qui, jusqu'à présent, étaient posées, exprimait la condition et maintenait les hiérarchies sociales. Et puis aujourd'hui, on arrive peut-être à un moment où ce sourire devient lui-même tellement une convention qu'il va falloir ne pas sourire dans des portraits. Oui, parce que le portrait, pour être sérieux, ne doit pas être souriant. C'est ce qui a été le cas pendant longtemps. Justement, si l'on pense à ces portraits, alors ça peut être le portrait d'un homme qui veut s'imposer, mais même un portrait officiel, un portrait royal. À quel moment nos souverains commencent à sourire, Alexia Guigemos? C'est dur, ça. Sur les photos officielles, je les passe en revue. C'est un vrai sujet parce que quand on se montre souriant dans les entreprises, les managers vous diront, les DRH, que on manque de crédibilité. Donc, faut-il se montrer avenant ou pas? Ça, c'est vraiment un sujet qui est abordé, qui est très contemporain. Sébastien Allard, juste sur ces tableaux officiels, c'est vrai que nous n'imaginons pas un Louis XIV ou un Napoléon avec la banane. Non, alors Louis XIV, je suis maître de moi comme du reste du monde, n'est pas souriant. Antérieurement, on a le portrait de Charles V, par exemple, la sculpture où il sourit, et au Louvre, et toujours au Louvre surtout, on a un portrait de François Ier par Titien, où François Ier est vu de profil souriant. Alors, il sourit parce que c'était d'une part sa nature, c'était un roi extrêmement aimable, mais aussi c'était l'image d'une de ce qu'on a pu appeler une sorte de sprezzatura, c'est-à-dire une sorte de désinvolture cultivée du courtisan, sachant que c'est pas encore le souverain absolu, c'est le primus inter pares, le roi courtisan. Et puis aussi, pourquoi sourit-il? C'est que Titien n'a jamais vu François Ier et a réalisé ce portrait de profil d'après une médaille de Benvenuto Cellini. Donc c'est peut-être aussi une manière pour l'artiste de donner vie à son portrait. Mais évidemment, à partir du moment où se met en place, disons, une monarchie absolutiste, à ce moment-là, on est maître complètement de ses passions et le souverain n'est plus un primus inter pares. Et on voit que le portrait officiel de l'homme d'État, du souverain, ne sourit pas, en tout cas en France, quasiment jusqu'au XXe siècle. Si on regarde les photographies des présidents de la République, c'est seulement à partir de la photographie de Valéry Giscard d'Estaing par l'Artigue que le président esquisse un sourire. Et ensuite, à partir de Valéry Giscard d'Estaing à l'Artigue jusqu'à aujourd'hui, le président maintenant esquisse toujours un sourire, ce qui lui donne quelque chose probablement de plus moderne et de plus proche du peuple. Beaucoup de représentations dans ce que nous disons à partir du sourire lui-même représenté en peinture. François Ier souriant, mais François Ier parce que ce roi avenant tel qu'il a été imaginé, construit, diffusé. Henri IV, pareil, Henri IV souriant tel qu'il a été imaginé, mais pour nos présidents de la République, effectivement, il y a la photo. Demandons l'avis d'un photographe. Regardez le funambule sur son fil. Il s'équilibre grâce à un balancier qu'il tient horizontal, bien serré dans ses mains. Il agrandit ainsi son polygone de sustentation et par cet élargissement factice, réduit les déplacements de son centre de gravité. Sommes-nous en difficulté sur un terrain escarpé, aussitôt nous écartons les bras pour garder notre aplomb. Ainsi le sourire, horizontal, écarté sur les côtés de part et d'autre des commissures des lèvres, qu'il relève un peu, équilibre le visage et fixe l'attention de notre vis-à-vis sur l'axe médian de la face, l'axe de la communication. En haut et en bas les yeux et les lèvres horizontaux, et au milieu le nez. Marion Malenfant, qui lisait dans le cours de l'histoire sur France Culture, ce que disait Luigi, donc photographe new-yorkais, nous sommes dans ce monde en noir et blanc absolument sublime, ce qu'il disait du sourire. Alexia Guggemos, ce sourire lié à la photographie, c'est une nouvelle étape du sourire, c'est-à-dire qu'avec la photographie, le sourire est capté et devient cet impératif qui nous conduit à ce que nous disait Sébastien Allard, à des présidents qui arrivent à sourire à la fin du XXe siècle, enfin. On peut parler de conquête du sourire au XXe siècle à travers la photographie, mais qui a été très tardive, parce que les premiers portraits n'étaient surtout pas souriants. Daguerre et autres, c'était des portraits très officiels, posés trois quarts. Donc non, la conquête du sourire a été longue aussi en photographie. J'ai un sourire en tête merveilleux qui est celui de par Sabine Weiss, qui est décédée récemment, et qui est le portrait d'une petite égyptienne. il a ce sourire spontané, naïf, qui n'est pas justement d'un sourire posé. Et je pense que s'il est aussi beau, c'est parce que il a été c'est une sorte de capture, si j'ose le mot, sur le vif, et qui garde ce naturel, et le regard est au loin, donc il y a sous cette perspective de joie, de bonheur, d'une trajectoire à effectuer. Mais finalement, les sourires, on croit qu'ils sont très nombreux en photographie. C'est vrai que c'est facile de se faire un smiley, un selfie avec nos smartphones. Mais en réalité, ceux qui sont les plus inspirés, les plus solennels, supposent quand même un certain regard et talent. Tant que photographe. Je suis très content que vous ayez évoqué Sabine Weiss, que nous avions reçue dans le cours de l'histoire il y a peu de temps, qui nous avait reçue dans son atelier. C'était fascinant et son sourire était exceptionnel. Énormément d'espièglerie. Très, très, très beau moment que nous avions passé avec elle. Sébastien Allard. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Alexia à propos de ce sourire aussi d'enfant. Il y a aussi les moments où on est gêné par l'absence de sourire. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui dans le portrait d'enfant ou depuis le 19e siècle, quand l'enfant ne sourit pas, ça pose question et on a des portraits d'enfants qui apparaissent même comme inquiétants. Que ce soit chez Géricault ou chez d'autres artistes, en particulier chez des artistes qui ont voulu, ou même chez Goya, il y a un petit garçon, Victor Guy, un magnifique tableau où l'enfant pose devant un mur vide, enfin voilà, il a tout ce qu'il faut pour être un enfant sage et en même temps il ne sourit pas, et donc il y a une sorte d'inquiétude de ces artistes qui ont voulu traduire ce qui était propre au monde de l'enfance, qui n'était pas ce que l'adulte projette sur lui. Et cette absence de sourire peut être, dans certains cas, inquiétante. Oui, parce que le sourire est multiple. Hein. Il y a le sourire sarcastique, il y a le sourire du bonheur, et puis il y a le sourire de l'amoureux. Et voici une chanson dont je suis l'auteur, merci, merci, et que j'ai intitulée « Souris à la vie ». C'est une chanson gaillarde et encourageante. On trouve chez tous les libraires des bouquins volumineux écrits par des gens austères sur les moyens d'être heureux. Je me suis flanqué des mots-têtes à les lire inutilement pour découvrir ce que c'est bête, le truc l'autre jour en me rasant. Souris à la vie, le temps passera. Souris à la vie, la vie te sourira. Suppose que tu perds ta femme, tes clés ou ton porte-monnaie. Tu vas pas en faire un drame, te rouler sur le parquet. Précipite-toi devant ta glace et souris-toi tant que tu peux. Tu verras que les ennuis passent quand on regarde un homme heureux. Souris à la vie, le temps passera. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Souris à la vie. La vie te sourira. Je sais bien que c'est difficile de sourire continuellement, à moins d'être un imbécile, on peut pas sourire tout le temps. Mais c'est là qu'est la combine pour pas prendre de tics nerveux. Au lieu de montrer tes canines, tu souris avec les yeux. Souris à la vie, le temps passera. Pom, pom, pom, pom, pom. Souris à la vie. La vie te sourira. Imaginez la planète si tout le monde en faisait autant. Le coq qu'on condamne à perpète, c'est après ça en rigolant. C'est fini, il n'y aurait plus de guerre, parce qu'enfin c'est bien connu. On n'a jamais rien pu faire quand on se marre comme un bossu. Surtout que maintenant la guerre c'est avec des boutons. Alors le gars qui se marre, il appuie sur le bouton, il se trompe, pan, il prend sa bombe sur la gueule, c'est fini, il n'y a plus de guerre. Souris à la vie, le temps passera. Souris à la vie, la vie te sourira, la vie te sourira. Ben oui, faut sourire. Voyons madame, allez, un petit effort madame. Allez, allez, voilà. Merci madame. Voilà, merci madame et merci Robert Lamoureux. La vie beaucoup plus jolie avec du sourire, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Sébastien Allard, nous l'avons dit, la photographie modifie notre rapport au sourire parce que il est plus aisé de mettre un sourire. Ça devient d'ailleurs la norme, hein, sourire dit twistity, dit cheese, et il faut le sourire. Mais vous nous avez dit que le sourire était là antérieurement sur le portrait dès le XVIIIe siècle. Ce sourire-là est significatif aussi. Il est signe de quoi ? Donc de grâce, il est signe de bonne santé, de que tout va bien. Il est antérieur au XVIIIe siècle. Hein. La Joconde en est le meilleur exemple, ou les tableaux d'Antonello da Messina. Mais il peut être pure convention. Il peut être aussi pure convention, la femme aristocrate en particulier, comme Madame de Sorquinville, peinte par Peyronnet, n'exprime pas grand-chose en dehors du sourire. Après, il peut y avoir, tout dépend là aussi de la commande des portraits peints, parce que c'était même quand on représentait des pauvres, il y a toujours une commande derrière de personnes qui ont les moyens de se payer un tableau. Donc il peut y avoir aussi dans quelques cas des portraits privés qui évoquent, comme on l'a vu dans la chanson, qui peuvent aussi évoquer l'amour. On a des portraits notamment de jeunes femmes qui tiennent des lettres au XVIe siècle, à la Renaissance, ou des vers qui sont des allusions très claires à l'amour. Il peut y avoir des portraits avec des sourires qui évoquent le mariage, ou notamment dans les pays du Nord, c'est-à-dire que si vous vous promenez dans les galeries du Nord, dans les galeries du Louvre, vous verrez qu'en Italie, en France, c'est un petit peu plus long à démarrer, si je puis dire. Mais si vous êtes dans la peinture flamande ou hollandaise du XVIIe siècle, alors là, des sourires, et en particulier, donc société, en tout cas en Hollande, une société bourgeoise, là, des sourires, vous en verrez beaucoup. Sourire chez Hals, mais chez d'autres, sourire qui est aussi l'expression du bonheur familial, de la réussite sociale, etc. Et puis, il y a ce sourire qui est incontournable parce qu'il est énigmatique. On ne peut pas y échapper. Le sourire de la Joconde ne pense à rien. Elle dit à travers ce sourire, « Je ne pense à rien, c'est Léonard qui pense pour moi. » Paul Valéry. Quand on entend ce que disait Paul Valéry sur le sourire de la Joconde, nous avons ici la vision d'un homme du XXe siècle sur ce tableau du XVIe siècle, parce que le sourire de la Joconde a marqué le XXe siècle d'ailleurs. Toujours ce questionnement, Sébastien Allard, la Joconde, vedette aujourd'hui du musée du Louvre, il y a un siècle, un peu moins vedette, hein. Oui, vraiment vedette, et le sourire de la Joconde. La formule de Paul Valéry est extrêmement complexe, hein, et dit plus qu'elle ne semble dire, parce qu'elle souligne d'une part ce sourire de la Joconde, qui est, si je puis dire, une des spécialités qu'évoquait Alexia au début de Léonard de Vinci, qui a peint toute la gamme, mais elle explique aussi le côté un peu conventionnel qu'on peut percevoir nous aujourd'hui du sourire, mais aussi le surinvestissement qu'on a nous en tant que contemporains sur ce sourire de cette icône. Oui, il y a toujours notre regard contemporain. Alors moi j'ai une préférence pour le sourire du Saint Jean-Baptiste. De Léonard de Vinci. De Léonard de Vinci, parce que effectivement il n'a pas énormément de sourire, Léonard de Vinci. Il est dessiné, il a fait une déclinaison justement avec Sainte Anne et l'enfant Jésus, etc. Enfin, c'est vraiment son sujet. Mon préféré c'est le Saint Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que en présentant le bras face avec le coude qui vient souligner effectivement le mouvement du sourire, comme ça. En plus, il est dans un mouvement où il montre le ciel. Je trouve que le sujet est le sourire de cette œuvre, qui est moins le sujet principal de la Joconde. Et dans votre musée du sourire, bien sûr, il y a cette volonté d'histoire de l'art, de bien compréhension sûr. Du sourire. Mais Vinci est un maître Un maître étalon du sourire. Oui, on peut dire maître étalon du sourire, un incontournable. Alors, dans le musée du sourire, je ne peux pas montrer les œuvres puisque pour les problèmes de droit RMN, mais j'ai quand même dès la réunion des musées nationaux. Mais j'ai un petit bout de la Joconde à travers une affiche de Roman Cislevich, qui est un affichiste polonais et qui a représenté la Joconde dominante de vert avec une larme de sang. Et en fait, c'est une affiche de 68 qu'il a faite pour la couverture d'une revue, la revue Opus, et qui exprime voilà, la souffrance de la France, ou en tout cas voilà, la France touchée par mai 68. C'est mon petit bout de la Joconde à moi sur le musée du sourire. Sébastien Allard, vous dirigez le département des peintures au musée du Louvre. Et bien sûr, la Joconde, le sourire, nous savons tous, hein, des gens viennent du monde entier pour voir ce sourire-là. Que viennent voir les gens en fait? C'est le sourire lui-même ou plutôt un imaginaire autour de ce sourire? Alors c'est extrêmement extrêmement difficile à dire. Je pense que c'est les deux. Après, une œuvre aussi célèbre, comment peut-on encore aujourd'hui la regarder? Enfin, parce qu'on a tous cet imaginaire qui est là, qui est derrière Marcel Duchamp, et puis ses réutilisations, et puis aussi le fait que ce sourire est lui-même vu à travers la médiation des photos qu'on peut en faire avec son téléphone. Donc ce que le public vient voir, je peux pas vous le dire très très précisément. Et vous, quand vous vous baladez devant ces œuvres, vous le regardez, ce sourire de la Joconde, vous le voyez encore? Alors oui, je le vois, mais c'est vrai. Alors ça va faire un petit peu privilégié, mais il faut bien qu'on ait quand même quelquefois des petits plaisirs. En plus, j'ai vu la Joconde, si vous voulez, en vraiment face à face, sortie de sa vitrine. Alors c'est vrai que la vitrine, le dispositif n'aide pas nécessairement à en percevoir le sourire. Mais ce que je peux dire pour revenir sur la question de Léonard, c'est que, et je suis assez d'accord avec Alexia sur le Saint-Jean-Baptiste, c'est qu'on a là effectivement le maître du sourire, et le sourire le plus ambigu, le plus étrange, le plus, c'est celui de Saint-Jean-Baptiste, effectivement, qui sort de l'ombre pour y retourner, et ce sourire qui est à la fois la grâce divine, aussi une notion d'homoérotisme liée à Léonard et à son modèle, la question de la jeunesse sans âge, tout est là présent dans ce sourire de Saint-Jean-Baptiste. Nous parlons du sourire dans le cours de l'histoire, de la représentation du sourire en peinture. Oui, mais parfois c'est l'absence même de sourire qui fait sens. J'en ai marre que tu fasses la gueule tout le temps. C'est plus possible, ça me... Je fais pas la gueule. Oh si, la tronche que tu tires avec la fourche en plus, je te raconte pas. Mais non, Ah tu vois, tu le prends mal, je le savais. Je fais pas la gueule, j'ai été peint comme ça, c'est tout. Et toi aussi? Ah non, pas moi. Moi je suis stoïque. Stoïque? Ma bouche est droite, la tienne penche vers le bas. Tu fais la gueule, pas moi. N'importe quoi, ce qu'il faut pas entendre. Arrête de chercher des excuses. Je fais pas la gueule. Oh si, tu fais la gueule. Mais tu voudrais que je fasse quoi? Que je souris comme ça? Ah là c'est pas du jeu, tu fais exprès d'en faire trop. Mais juste un petit rictus de temps en temps, même sans voir les dents, ça me ferait des vacances. Non mais réfléchis deux minutes, on représente quoi? Pourquoi on est connu dans le monde entier, hein? Pourquoi on représente le monde rural, le travail, la dureté de la vie? Ah oui. En 1930, la vie était dure, hein, pas comme maintenant. Il y a eu la crise de 29 ça. Oui, je sais. Et tu voudrais qu'on sourie? Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ça donnerait un peu de gaieté. Les gens aiment les choses gaies. J'ai rien entendu. Ça donnerait un peu de gaieté. Les gens aiment les choses gaies. Ben voilà, là on l'a entendu. Amusez-vous, amusez-moi, la formidable série sur Arte, formidable chaîne aussi, qui parle du tableau American Gothic, un tableau de 1930 de Grant Wood. Ce tableau où l'on voit un couple devant une ferme, il lui tient la fourche, il y a l'absence de sourire. Mais le fait de souligner l'absence de sourire, c'est très très fort, Alexia Guggemos, sur ce tableau. Alors, sur ce tableau, c'est vrai, on est immergé dans une ferme aux États-Unis, et les paroles sont très très justes et très drôles, ce qui transforme effectivement l'interprétation du tableau. Moi, sur le musée du sourire, j'ai un No Smile qui est signé Ben. No Smile, pas de sourire. Et en réalité, je pense que il faut, comme il s'agit d'un équilibre de mouvement, comme je le dis, on peut le Il faut le balancer. Et donc, c'est la joie, la tristesse. Et ce contraste, un petit peu comme dans le Saint-Jean-Baptiste, on est dans le clair-obscur aussi des émotions. Donc, cette approche non-sourire peut faire sourire et elle est très bienvenue. Et puis, surtout, ce qui est très bienvenu, c'est cette signification à donner sans cesse au sourire, mais la recherche du sourire, ou de l'absence de sourire, c'est ce que vous faites, vous, Alexia Guglielmos, dans votre musée du sourire. Sébastien, alors, le Louvre, voyons que c'est grand le Louvre. Moi, j'ai pris l'habitude de visiter votre musée avec des thèmes. Vous savez, c'est comme ça aussi, on voit un parcours, on cherche les couleurs, ça marche bien, je cherche le jaune. Alors, on pourrait faire un parcours autour du sourire, s'amuser comme ça, à regarder toutes ces œuvres en cherchant des sourires. Oui, absolument. D'ailleurs, je l'ai fait moi-même lorsque vous m'avez invité pour cette émission et pas plus tard qu'hier en traversant la Grande Galerie où il y a des moments où on a l'impression qu'on n'en voit pas. Parce que les scènes sont des scènes, des grandes scènes historiques, etc. Et puis on arrive évidemment à Léonard. Et puis quand on repasse une deuxième fois et qu'on prête attention, plus attention aux personnages secondaires, etc., on en voit plus, c'est ce que je disais au début, on en voit plus que ce qu'on perçoit immédiatement. Alors évidemment, avec des périodes, on évoquait tout à l'heure la question du romantisme, etc., des grandes salles rouges, de la Croix, là, on va pas en voir beaucoup, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Et ça peut être un excellent thème de visite qui permet aussi de passer, si vous voulez, des antiquités orientales aux antiquités grecques, à la peinture, aux objets d'art, etc. Alexia Guglielmos. Oui, alors précisément, le musée du sourire est né de cette envie de faire visiter le Louvre à travers le prisme du sourire à quelqu'un qui n'était jamais allé au Louvre. Et donc, bien sûr, qui m'aurait demandé la Joconde. Et j'étais persuadée d'en trouver beaucoup dans les salles d'antiquités égyptiennes. Donc j'ai commencé par me précipiter, pensant que ces sphinx souriaient, et grosse déception. Voilà. Je lisais, cherchais. Et en réalité, bon, Akhenaton, sublime, sculpture d'Akhenaton avec ses lèvres pulpeuses, etc., ses joues émaciées, etc., c'est subjectif après, mais ne sourit pas vraiment. Fait pas la tête, mais je l'ai trouvé chez Amenophis II et c'était au musée d'antiquité égyptienne au Caire. Donc, que toutes les représentations d'Amenophis II et Amenophis III sont plus souriants. Donc là, de grosses déceptions. Et puis j'ai retrouvé le sourire chez les Étrusques. Et là, extraordinaire, ça m'a vraiment réjoui parce que c'est un couple, c'est le sarcophage des Étrusques, des époux Étrusques. Ils sont deux, hommes-femmes, représentés à égalité. Et il sourit pour l'éternité. C'est magique. Et le peuple étrusque était vraiment donnait un rôle important à la femme. C'est aussi une parenthèse qui, c'est-à-dire que regarder l'histoire de la représentation du sourire, c'est aussi étudier les civilisations, la sociologie et comment ce que ça induit de des rapports sociaux. Et puis c'est toujours un plaisir aussi évidemment, hein, Sébastien Allard, de revoir ces œuvres, de les relire toujours avec des angles différents. Donc dans votre balade, dans les galeries que vous dirigez, enfin voilà, c'est le Louvre, vous avez presque une histoire de l'art à saisir encore une fois, selon les salles où il y a plus ou moins de sourires. Oui, c'est exactement ça, et c'est un excellent thème de visite, me semble-t-il, parce que ça touche à l'histoire de l'art, au problème esthétique de la déformation, de maintenir la belle forme, au problème sociologique, à l'état de l'histoire et à notre propre perception en tant que spectateur contemporain. Eh bien voilà, un thème de visite pour le Louvre et puis pour tous les musées, évidemment, parce que les collections sont riches de sourires partout. Donc, petit tour au Louvre et puis petit tour dans votre musée du sourire, Alexia Guglielmos. Et merci aussi à vous, Sébastien Allard. Mais pour le moment, ce qui nous fait sourire de bonheur, de joie, disons-le, c'est l'arrivée de Gérard Noiriel et du pourquoi du comment. Pourquoi le couscous fait-il partie aujourd'hui du patrimoine immatériel de l'UNESCO ? En circulant sur l'autoroute, vous avez sans doute déjà remarqué le panneau « Patrimoine mondial de l'UNESCO ».